Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le 89.5 avec Radio Dio et l'émission Cours, le vieux monde est derrière toi. Ce mois-ci, notre émission s'intitule Cours lisse, le vieux monde est derrière toi et on a choisi d'y parler de l'amitié chez les jeunes. Évidemment, nos interviews donnent plutôt la vision de l'amitié au prisme des études supérieures puisque c'est notre environnement, mais on essaye de parler aussi plus largement d'une problématique qui concerne tous les jeunes depuis le début de leur socialisation. On s'est demandé ce qui faisait la force d'une amitié, quelle importance l'amitié a pour les jeunes, ou encore si nos rapports à l'amitié avec un grand A peuvent évoluer ou sont plutôt communs à tous les âges. Pour élucider ce grand mystère des liens humains, on a interviewé à notre échelle d'autres étudiants et on va comme d'habitude un peu discuter entre nous. Et pour bien commencer notre émission, je propose à Cassandre de nous présenter la musique qu'elle a choisi de nous passer. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire écouter Kiss Me de Sixpence None the Richer. Donc, le morceau est sorti en 98 dans leur troisième album qui s'appelle aussi Sixpence None the Richer. J'ai connu ce morceau car il passait dans une série que j'adorais, Dawson. C'est une série américaine pour ceux qui connaissent. La chanson, elle est douce, elle me fait penser à l'automne, aux espoirs de jeunesse, etc. La voix est mélodieuse et donc sur ce, on écoute Kiss Me de Sixpence None the Richer. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh. Thank you. Merci Cassandre pour la découverte. Et puis bah, sans plus attendre, on va vous passer les quelques interviews qu'on a faites à propos de l'amitié. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont bien voulu nous répondre. Donc Robin, Louisa, Antoine et Elise. Et c'est parti. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, je m'appelle Lise Kubi, j'ai 18 ans. Actuellement, je suis étudiante en prépa au lycée du Parc. Et du coup, je suis à pote de Delia depuis septembre. Pour toi, tu dirais que l'amitié, ça occupe quelle place dans ta vie ? Et est-ce que quelle signification ça peut avoir pour toi ? Bah, je pense que ça a un peu changé au cours de ma vie, enfin genre que j'ai commencé à avoir des amitiés vraiment très solides et enrichissantes à la fin du lycée. Mais aujourd'hui, ouais, ça occupe une place importante de ma vie et je pourrais pas faire sans. Question qui peut paraître un peu étrange, mais prends-le à ta sauce. Pour toi, ça pourrait être quoi un bon ami ? Et qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être un bon ami ? Je pense que je vois ça comme le fait de vraiment quelqu'un qui fait sortir le meilleur en toi, enfin quoi que ce soit, mais que ouais, toutes tes qualités, ils vont les faire ressortir et les défauts, enfin un peu moins. Voilà quoi, ouais et avec qui tu passes du bon temps, qui vraiment. C'est dur comme question. Ouais, mais c'est bien si tu veux. Ouais, ça. Est-ce que tu perçois une différence entre potes et amis ? Est-ce qu'il y a un peu cette hiérarchie dans les relations, même si c'est pas forcément le mot hiérarchie qu'il faudrait employer ? Bah, j'utilise le mot d'ami pour tout le monde. Il y a personne que je considère comme. Enfin, je fais pas une distinction en termes de lexique, mais oui, il y a forcément une hiérarchie entre les amis et c'est pas un problème. Enfin, c'est pas. Est-ce que les études supérieures en particulier, ça a changé quelque chose dans ton rapport à l'amitié ? Ça a changé mes amitiés, c'est sûr. Mon rapport à l'amitié, oui, un peu quand même, parce que ça devient d'autant plus vital, vraiment, les amitiés, quand on n'est pas avec sa famille et tout ça, ça devient vraiment notre ancrage, quoi. Enfin, surtout moi, qui habite loin de chez moi, là, c'est vraiment, ouais, c'est important. Et est-ce qu'une amitié, c'est forcément pour la vie ? Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'un lien est durable ou sincère ? Non, c'est pas pour la vie et je. Enfin, je vois en quoi c'est rassurant de se penser qu'on est amis pour la vie et tout, mais. De fait, c'est faux et. Enfin, ça existe rarement. Et je trouve pas que c'est une condition pour avoir une bonne amitié. Enfin, faut que c'est que. On change, on se quitte, parfois on se retrouve et. Et qu'est-ce qui fait qu'une amitié dure ? Justement, la capacité de personnes à se laisser prendre de la distance, je pense. Ouais. Mais tout en gardant contact quand même un peu. Hein. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une amitié peut naître et qu'est-ce qui peut faire qu'on est attiré par certaines personnes sur le plan amical ? Moi, j'ai l'impression que... Enfin, pas mal de la plupart des amis que je rencontre maintenant, ils me rappellent dans d'autres amis que j'ai pu avoir avant. Donc je pense qu'il y a quand même des traits de caractère et tout auxquels on est plus attiré. Et ouais, forcément, il y a des facteurs psychologiques un peu. Enfin, c'est plus simple d'être ami avec des gens qui te ressemblent, mais en même temps, de fait, durant tout mon lycée et tout. J'étais pas du tout, enfin, on n'a déjà pas du tout la même vie que mes potes, donc. Oui, non, c'est pas le plus important, mais oui, ça joue quand même. Merci beaucoup! Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Robin, j'ai 18 ans et je suis à la fac de droit à Lyon 3. Bonjour Robin, aujourd'hui nous allons parler de l'amitié. Quelle place occupe l'amitié dans ta vie? C'est important parce que c'est une bouée, mais ça peut être révélateur. Pour toi, c'est quoi un bon ami? C'est quelqu'un qui est naturel. Parce que c'est vraiment la vraie personne, et si c'est pas une vraie personne, je sais pas comment le dire. Non, mais si c'est une personne d'autre avec toi, c'est que c'est pas un bon ami, parce qu'il peut pas être lui-même avec toi, donc c'est pas la confiance. C'est quelqu'un que tu peux faire confiance, je pense, du coup, par deux. Comment est-ce que tu perçois la différence entre un pote et un ami? Un pote, je le vois la journée, et je lui dis à demain, et on se voit pas en dehors du cadre dans lequel on se voit. Ça peut être le sport, l'école ou le travail, un stage ou quoi. Et un ami, c'est quelqu'un avec qui t'as envie de parler plus souvent, quelqu'un que t'as envie de faire des activités, des sorties. Mais c'est quelqu'un que t'es pas obligé de voir tout le temps pour rester ami. C'est-à-dire, t'es pas obligé d'être dans la même ville ou quoi. Alors qu'un pote, si t'es plus dans le même lycée, dans la même classe, quelqu'un avec qui tu vas moins parler, qui va disparaître. Est-ce que les études supérieures ont changé quelque chose dans ton rapport à l'amitié? Non. Est-ce qu'une amitié c'est forcément pour la vie? Pas forcément, parce que ça peut correspondre à un moment de la vie dans lequel il y a ce besoin d'amitié qui peut être très fort, ou alors qui peut durer un peu plus longtemps. Je pense qu'il y en a qui sont là pour la vie, ou en tout cas pour très longtemps. Mais si tu te dis que si au premier abord avec quelqu'un que tu dis cet ami je vais pas le garder pour la vie, je pense que de base c'est pas un ami. Donc si ça n'a pas vocation à durer pour la vie, c'est pas, mais ça ne doit pas forcément durer la vie. Si ça dure pas la vie, c'est que ça ne dure pas toute la vie, ça n'a pas été un mauvais ami. Enfin, je pense que ça n'a pas duré toute la vie, que ça n'a pas été un ami. Comment on sait si un lien est sincère? Parce qu'il dure longtemps et il s'essouffle pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Vaut mieux avoir des amis sérieux que de sérieux amis. Merci Robin. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Antoine, j'ai 18 ans et je suis en prépa BL, donc lettres et sciences sociales, au lycée du Parc à Lyon. Quelle place occupe l'amitié dans ta vie? C'est un peu compliqué, mais est-ce que tu pourrais situer... Quand on est à l'école, donc dans le milieu scolaire, l'amitié est un peu centrale, on pourrait dire, parce que on passe tout notre temps avec nos camarades et généralement avec ceux qu'on aime bien, qui sont par conséquent nos amis. Mais au-delà de ça, je vois souvent régulièrement des potes, mais de divers milieux. Donc si on cumule, je passe quand même pas mal de temps avec mes amis. Par jour. Comment est-ce que tu perçois la différence entre potes et amis? Bien sûr, il y a un truc plus profond avec amis. Amis, c'est quelqu'un avec qui tu te sens vraiment bien, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux confier des choses que tu confierais pas forcément à des potes. Potes, c'est quelqu'un avec qui tu aimes passer du temps aussi. Mais ça sous-entend pas forcément qu'il y ait un sentiment de confiance aussi profond qu'avec amis. Mais ça, enfin, on peut être pote et ami. Enfin, on peut être pote avec quelqu'un et que le lien soit tout aussi important sans forcément. Enfin, c'est un peu ambigu par moment. Et justement, c'est assez ambigu à définir, mais pour toi, qu'est-ce qui définirait un bon ami? Un bon ami, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un à qui on peut confier des choses, un ami qui n'émet pas de jugement, qui est compréhensif, qui se met à ta place. C'est quelqu'un avec qui tu peux être sans filtre. Aussi avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui simplement, ça peut être ça. Après, il y a aussi toute la dimension de un ami fidèle, enfin quelqu'un qui va pas mentir, qui respecte totalement ce que tu penses, tes volontés, tes pensées, tes préférences et tout. Ben, y a, la liste est très longue, donc c'est difficile d'en faire une exhaustive, mais ça englobe tout ça. T'en parles, la confiance, la fidélité, et puis la complémentarité un peu, même si bon, on peut en discuter, on est, bref. Et ce serait quoi pour toi, du coup, justement, d'être sans filtre ? Sans filtre, bah, déjà, tu réfléchis pas avant de parler, juste tu parles, tu rigoles, tu fais des blagues, tu hurles si t'as envie, sans te dire « Ah, mais attends, mais je suis avec des gens, et t'as ta censure sociale qui te dit, t'as ton sur-toi qui te dit « Ah, mais en vrai, fais pas ça comme ça, parce que après les gens vont te regarder de telle façon, ou penser ça de toi. » C'est vraiment... Il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'étape par qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens avec qui je suis. C'est comme si tu étais avec toi-même, en fait. Sans filtre, c'est... t'es sous ta douche et tu chantes. Là, si t'es avec tes potes et que t'as envie de chanter, ça montre que t'es sans filtre avec eux. Est-ce que les études supérieures, en particulier, ont changé quelque chose dans ton rapport à l'amitié ? Alors, ça fait que 3 mois qu'on est rentré dans les études sup. Mais il y a des petites différences. Parce que les amitiés du collège sont pas les mêmes que celles du lycée. Et de la même façon, le fait de garder les amitiés du collège, quand on change de lycée, donc quand on change de milieu, enfin de groupe de potes, s'opère différemment, on va dire. Au lycée, on est plus grand, généralement, on tisse des liens plus profonds, avec des gens qui nous correspondent encore plus. Donc, avec qui on a plus, et puis on a plus les moyens, et avec qui on a plus envie de garder contact. Donc, c'est ça le changement par rapport à la transition collège-lycée, c'est ça le changement qu'il y a avec les études sup dans l'amitié, parce qu'on a envie de plus garder contact. Mais l'autre changement qui est encore plus majeur, c'est que on va aux quatre coins de la France généralement. Enfin, ça dépend, tu peux rester dans ta ville et puis rester avec beaucoup d'amis, beaucoup de tes potes. Mais généralement, il y a la dimension de la distance qui s'ajoute à l'amitié, qui change un peu les choses. Et donc, ça implique de devoir garder contact par la distance, donc avec les réseaux et tout. Et donc, c'est obligé de, pour garder contact, avoir aussi un lien direct, donc se voir. Donc il faut chercher, c'est pas comme quand on était au lycée, on se voit toutes les récrés, et puis c'est très simple, tous les jours on se voit. Là, il faut trouver du temps pendant les vacances, alors qu'on a beaucoup de devoirs, une occasion qui corresponde à tous, et en même temps qui nous permet, qui soit pas trop courte, pour qu'on puisse profiter les uns des autres. Donc voilà, c'est, il y a comme un peu une complication du contact, une complication des relations forcément avec la distance qui s'ajoute donc avec les études sup. Et est-ce qu'une amitié, c'est forcément pour la vie ? Et comment on sait si un lien est durable et sincère, même si ça revient un peu sur ce que tu as dit, sur faire des efforts pour rester en contact ? Est-ce qu'on sait si un lien est durable et sincère ? En réfléchissant à ça, j'ai l'impression qu'on est encore jeune pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Bien qu'il y ait des amitiés qui durent depuis qu'on est tout petit, je me dis que c'est un peu comme un truc auto-entretenu, l'amitié. Forcément, il y a besoin de faire des efforts pour se voir, pour pas perdre contact. Il n'y a pas besoin de faire des efforts qui, comme on calerait un rendez-vous avec je sais pas qui, c'est un truc qui va de soi pour nous. Comment dire donc que c'est durable? C'est que juste, on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est naturel, c'est quelque chose de... c'est le lien qu'on a entre nous qui fait durer la relation, peu importe s'il y a la distance, peu importe s'il y a des disputes, ou enfin il y a plein d'alias qui peuvent du coup mettre en défi ça. S'il y a toujours ce lien et cette envie de passer du temps ensemble et d'être amis, voilà. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit au début, sur qu'on est un peu jeune pour répondre à ce genre de questions. Et c'est vrai, forcément, on a beaucoup moins de temps d'expérience derrière nous et donc d'amitié beaucoup plus courte que des gens qui seraient adultes, forcément. Mais est-ce que tu penses que l'expérience de l'amitié, forcément, elle varie selon notre âge et selon l'époque de notre vie, ou qu'il y aurait peut-être quelque chose dans le lien amical qui soit intergénérationnel? Il y a deux côtés, un peu, on peut dire. Le premier, c'est que en fonction de notre âge, notre situation, si on bosse, si on est en cours, si on est à la fac ou au lycée, si on est à la retraite ou pas encore à l'école, enfin bref, l'amitié va se faire quand même de façon différente, dans le sens où quand tu es à l'école, tu vas te rapprocher de gens, donc devenir ami avec des gens qui sont qui t'aiment bien, enfin en fait ça se fait assez facilement, c'est juste on se rapproche de personnes de façon naturelle. Alors que quand on vieillit, les amitiés se forment et se modifient et se renouvellent quand même plus difficilement, parce qu'on est en contact avec moins de gens de notre âge, quantitativement, si on peut dire. Et aussi le fait que les amitiés qu'on a quand on est adulte sont bien plus anciennes, généralement, que celles qu'on a quand on est enfant. Donc, de ce côté-là, on n'appréhende pas l'amitié de la même façon en fonction de notre âge et de notre situation. Mais de l'autre, il y a un truc qui reste toujours bien, qui évolue. Quelque chose qui reste toujours, par exemple, prenons une amitié qui est de quelqu'un qui dure de deux personnes qui connaissent depuis enfant, qui sont amis jusqu'à la fin de leur vie. Ils ressentent toujours ce même lien, ce même sentiment d'aise et de confiance quand ils sont l'un avec l'autre. Il y a un truc un peu du coup qui dépasse le temps dans l'amitié, un truc un peu intemporel, comme tu disais. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en particulier, s'il y a des idées qui te viennent? C'était très intéressant en tout cas de discuter à propos de ça. C'est une chose sur lesquelles on s'interroge pas tant que ça. Alors que c'est assez fondamental, comme j'ai répondu dans la première question, c'est très central dans notre quotidien et dans nos vies. C'est intéressant d'y réfléchir. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Louisa, j'ai 20 ans, donc je suis actuellement en troisième année de licence de psychologie, à Lyon 2 du coup. Je vis à Lyon depuis que je suis petite, donc voilà, à voir ce que je vais faire l'année prochaine. Je vise peut-être plutôt d'être éducatrice spécialisée. Quelle place occupe l'amitié dans ta vie ? Alors l'amitié pour moi c'est quelque chose de très très important. C'est vrai que j'adore connecter avec les gens, passer beaucoup de temps avec des amis, créer aussi des nouvelles amitiés. J'adore rencontrer des gens, apprendre à les connaître et souvent bah, ça aboutit à des amitiés. Je dirais que c'est beaucoup par message, surtout quand c'est des gens qui habitent à l'étranger du coup. Je sais pas, c'est plutôt d'essayer. Après, je suis pas très forte pour répondre rapidement, mais du coup, j'essaie de vraiment m'intéresser à la vie des gens. Si je sais que la personne elle a tel événement important à ce moment-là, bah, je vais lui écrire ce jour-là pour lui demander comment c'était. Pour toi, c'est quoi un bon ami ? Un bon ami, c'est par exemple quelqu'un qui a pas besoin que tu lui dises quand ça va pas, ou même quand il y a eu un truc génial, que la personne sait qu'elle va. Que tu as eu cet événement, elle va te demander comment c'était, ou qu'elle voit que ça va pas sans que tu aies besoin de lui dire et qu'elle te connaisse suffisamment. Pour savoir si c'est sincère, je sais pas, je dirais que pour moi, c'est le fait que la personne soit aussi. Enfin, que ce soit vraiment quelque chose de réciproque. Si je vois que la personne est aussi très intéressée, si la personne s'intéresse beaucoup à moi, par exemple, qu'elle veut me connaître, tout ça. Moi, là, c'est sincère. C'est pas juste qu'elle veut discuter, avoir quelqu'un avec qui bavarder, quoi. En tout cas, l'amitié, moi, c'est quelque chose que je pourrais pas vivre sans. Alors, j'ai eu quelques problèmes pour l'interview de Louisa parce que j'ai absolument pas géré l'environnement de l'interview. Du coup, je vais faire un petit débrief des parties qui manquent de son interview en m'excusant auprès d'elle parce que bah, j'ai juste vraiment pas géré du tout. Au niveau de la différence entre potes et amis, pour elle, il y a une différence parce qu'avec des potes, on va pas aborder des sujets perso, on va traiter des sujets qui sont un peu moins profonds, alors qu'avec un ami, il y a une dimension plus intime et surtout, il y a plus de confiance. Sur la question de est-ce que l'amitié c'est pour la vie, selon elle c'est pas forcément, parce qu'on peut vivre des amitiés qui sont intenses et très courtes et pour autant ça aura quand même été des belles amitiés dont on va se souvenir, et en fait c'est un peu une autre manière de vivre les amitiés. Pour les amitiés et les études sup, au lycée on est plutôt dans des petites classes et du coup pour elle bah, on a son groupe qui est plutôt fermé, alors qu'à la fac on a plein de cours différents, on rencontre des gens et même si au début bah, c'est pas facile d'aller vers les autres. Et voilà, c'est tout. Merci. Du coup, je vous ai choisi une petite chanson pour vous faire découvrir des choses. Cette chanson, elle s'appelle Call Me de Victoria West. Et en fait, c'est une reprise de Call Me du groupe Blondie. Donc cette chanson, elle est sortie en avril 1980. Et Victoria West, qui est une personne très très stylée que je suis sur Instagram, vraiment elle est incroyable, en plus elle est allemande, enfin bref, elle est géniale. Allez la suivre parce qu'elle fait vraiment du contenu intéressant et elle est très très stylée cette meuf. Et elle a fait une reprise de Call Me avec une version un peu plus... un peu plus triste que la version de base, parce que vraiment le Call Me de 1980 est beaucoup plus sautillant, beaucoup plus enjoué, et le sien est plus profond et je le trouve vraiment, j'aime beaucoup cette version et elle me donne vraiment des frissons. Du coup je vous laisse la découvrir tout de suite, donc on écoute Call Me de Victoria West. Color me your color, baby. Color me your color. Call me on the line, you can call me any ben merci beaucoup Sarah pour cette chanson, elle était super cool. Maintenant on va passer à nos inspi culturels du mois. Alors moi j'ai choisi de vous parler de la BD Notre Affaire de Louise Colcombet et Mathieu Palin, sortie cette année. Donc la BD elle parcourt l'affaire Pellicot, partant des faits puis traversant les procès de Mazan, jusqu'à étudier la psychologie de ses coupables aux multiples profils. Notre Affaire revient sur la culture du viol dont notre société est victime, mais surtout sur le courage de Gisèle Pellicot, qui s'est opposée au huis clos pour que la honte change de camp. J'ai été bouleversée par ce livre, et c'est pour ça que je vous le recommande vraiment, car cette affaire unique, et d'ailleurs toutes les autres dont les femmes et les hommes sont victimes chaque jour, ne doivent pas être oubliées. Donc si ça vous intéresse, vraiment, allez lire Notre Affaire. Voilà. Moi, je voulais vous parler d'un film que je suis allée voir il n'y a pas longtemps, c'est L'étranger de François Ozon. Donc, adaptation du fameux roman d'Albert Camus, publié en 1942. Et ce film, je ne sais pas vraiment quoi en penser. À la fois, ça m'a beaucoup plu et je trouve que c'est une formidable réussite pour une aussi grande entreprise que d'interpréter L'étranger. Et à la fois, j'y vois tellement de choses qui auraient pu être mieux faites ou qui sont un peu gênantes, mais pour lesquelles je me dis que c'est peut-être trop en demander, en fait, et peut-être qu'on ne peut pas forcément parfaitement adapter un roman 80 ans après. Mais donc, pour commencer plus simple, je crois que c'est sorti le mois dernier. Et j'ai mangé un peu le nom des acteurs, mais je trouve que le casting est plutôt pas mal. Tous les acteurs vont assez bien dans le rôle. Et après, on a le personnage principal, Meursault, qui est joué par un acteur très, très jeune et très sportif, qui a une carrière très, très athlétique. Et non pas que ce soit un mauvais acteur, au contraire, j'ai trouvé qu'il était hyper impressionnant dans son rôle, surtout que le personnage est très dur à interpréter, puisque c'est la philosophie camusienne, enfin, c'est assez obscur. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un peu dérangeant de voir un homme aussi jeune, sportif et presque pimpant jouer la moue et faire semblant qu'il boudait, parce que ça colle pas vraiment avec le morceau des années 40. Il paraissait trop jeune, trop fier. Donc il y a juste pour le personnage principal, j'ai eu un peu du mal au début à rentrer dans le film, mais après, au bout de la moitié, quand on arrive à accepter que Meursault, c'est bel et bien lui, ça va mieux. Mais globalement, c'est un film que je vous recommande vraiment, parce que il reste très fidèle au livre, et en particulier pour ceux qui n'ont pas lu L'étranger, je trouve que ça tente d'expliciter très très clairement, voire trop trop clairement, la philosophie de Camus sur un peu l'absurde, et que la vie n'aurait pas forcément un sens, qu'il ne faudrait pas forcément y chercher un sens. Et bon, il y a quelques fois, c'est un peu trop appuyé justement pour faire comprendre que rien n'a d'importance, mais tout est absurde, mais je m'en fiche et tout. C'est vraiment assez appuyé dans le film, limite trop. Mais justement, si on n'a pas aimé la lecture de L'étranger, ou si on n'a pas compris, ou qu'on veut juste un petit aperçu, le film est très bien pour ça, parce qu'il colle au texte. Et à la fois, il y a quelques partis pris qui peuvent être super intéressants. Et notamment, François Ozon a choisi de faire le film en noir et blanc. Ce qui en fait au début peut paraître un peu pompeux de vouloir faire le grand classique en noir et blanc, L'étranger. Mais au final, je trouve que c'est un choix qui est quand même très bon, parce que je pense que mettre des couleurs sur L'étranger de Camus, ça aurait été assez difficile et presque infidèle. C'est trop difficile de choisir en fait des couleurs pour ces personnages, et je trouve que c'est un peu un texte intemporel, que donc le noir et blanc ça convient bien finalement. Et globalement, ouais, c'est un film qui est très puissant. Il y a quelques scènes un peu trop contemporaines et qui auraient pas pu être écrites par Camus. Sincèrement, je pense notamment à la fin, on a un des personnages qui se recueille sur une tombe face à l'océan, donc c'est très poétique, c'est très beau, mais je pense pas que ce soit exactement ce que Camus a voulu écrire. Mais pour autant, le film est vraiment, vraiment sympa. Et après, quand même, je mets un peu en garde pour ceux qui voudraient y aller, parce que je pense quand même que, sans connaître du tout Camus et sans connaître du tout l'histoire de l'étranger, ça reste assez difficile d'accès malgré les efforts de démocratisation de l'histoire, on va dire, qu'a fait Ozon, parce que c'est quand même, globalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est un personnage qui vit, il vit sa vie quotidienne à Alger, c'est un fonctionnaire, ou en tout cas, il travaille... travaille dans une petite entreprise, à un bureau, et puis il rencontre une fille, et puis voilà, et tu te dis, mais il se passe rien, sa mère, elle meurt, et tout, c'est quoi ce truc, rien n'a de sens pour lui, et tout. Mais au final, je pense que, donc voilà, un peu avoir une petite idée du message qui essaye d'être passé derrière. Mais sinon, je trouve que, ouais, le film vaut carrément le coup d'être vu, malgré quelques maladresses sur l'acteur principal ou sur certaines scènes. C'est quand même incroyablement bien réussi. Donc voilà, je vous recommande L'étranger de François Ozon. Moi, j'ai eu aussi envie de vous parler d'un film. C'est le film Priscilla, folle du désert. C'est une comédie musicale australienne qui a été réalisée par Stephen Elliott en 1994. On rencontre trois personnages, Mitzi, Felicia et Bernadette. Bernadette est une femme transgenre, c'est important pour la suite, qui sont des drag queens. Donc ce trio haut en couleur va se lancer dans un road trip à travers le désert pour rallier Sydney et Alice Springs, où ils ont décroché un contrat pour se produire dans un casino. Cette traversée, elle a quelque chose d'assez grandiose. C'est une vraie aventure avec des mauvaises rencontres, des belles amitiés, des répétitions en costume au milieu du désert australien. Oui, oui. Et surtout, un superbe bus rose nommé Priscilla qui a donné son nom au film. Pour moi, ce film, c'est un vrai coup de cœur parce que déjà, j'adore les road movies où du coup, t'as les personnages qui partent à l'aventure, en voiture, en bus. Et en plus, dans une ambiance très années 80, ça j'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre film qui s'appelle Bagdad Café, qui parle pas du tout de la même chose, mais on retrouve vraiment cette ambiance avec le sable, le désert, tous ces trucs. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet, c'est très très beau. Ce film, il est touchant, il est poétique, le message, il est fort. C'est une vraie ode à la liberté, en fait, qui nous donne envie de voyager et surtout d'arrêter de se soucier du regard des autres et de s'autoriser à exister comme on est. Mitzi, Felicia et Bernadette, elles forment un trio d'artistes, mais surtout d'amis. Chaque personnage, il est unique et complémentaire aux deux autres, et ça, c'est assez beau. Et ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment super drôles, parce que les personnages ont des caractères très différents. Bernadette, elle est très maniérée, très grande dame, alors que Felicia est plus... c'est un jeune homme, quand il n'est pas en drague, qui est très... très volage, très casse-cou, enfin ce genre de personnage. Alors que aussi Mitzi, lui, il est plutôt très posé, il a un peu ses enjeux dans sa vie. Enfin, c'est vraiment trois personnages qui sont très différents et qui se complètent tellement bien, et c'est vraiment très très beau. C'est un film qui m'a beaucoup inspirée, parce que moi, personnellement, l'univers des drag queens m'inspire énormément, parce qu'elles ont des costumes, une présence, il y a cet art de la scène, et je trouve ça tellement fascinant et j'adore, parce que ça m'inspire, ça me donne envie de créer, et vraiment j'adore. Donc ce film, il est touchant, il est beau, il est drôle, il est inspirant, donc vraiment allez le voir, n'hésitez pas, allez voir Priscilla, folle du désert. Voilà. Et du coup, on va passer à la chanson qu'a choisie Delia. Alors oui, exactement, j'ai choisi de vous passer la chanson « I don't like being left behind » de Leila Ebrahimi. C'est une artiste tellement émergente et nouvelle que je n'ai pas réussi à trouver sa nationalité en cherchant sur Internet. Elle fait de la musique depuis mi-2024, donc un an et demi à peu près. Elle a sorti que 9 singles, et du coup c'est vraiment très très niche et... J'ai découvert sa musique sur Deezer en écoutant une playlist au hasard. Et j'entends le titre et ça me paraissait super. Et je me suis dit, oula, mais c'est un genre de truc super connu, c'est trop bien. Allez, je le mets dans ma playlist et tout. Et en allant fouiner un petit peu, j'ai découvert qu'en fait, il y avait genre 9 écoutes sur la chanson et que c'est vraiment hyper niche. Alors que pourtant, ça m'avait pas l'air du tout. C'est une chanson que j'ai carrément découvert... à l'oreille, totalement au hasard, sans même chercher, dans une playlist comme ça, et qui m'a accrochée. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est dans le style un peu, je dirais, indie rock et limite un peu électro. Et ce que je trouve particulier à la chanson, c'est qu'elle est un peu composée en deux parties et qu'elle est scindée à peu près au milieu, et que ça change totalement de style musical. Ça change un peu d'ambiance. On passe au début d'une chanson un peu rock avec des guitares saturées et ensuite à une sorte de lyrisme un peu et de désillusion de ses propres paroles super calmes. Et c'est un genre de frustration de l'auditeur, je pense, qui a été utilisé aussi par Billie Eilish dans son précédent album. Il y a quelques chansons comme ça qui, au début, m'ont vraiment déplu parce qu'à la moitié de la chanson, ça, pour moi, ça devenait une autre chanson. Et je me disais, mais ah, c'est horrible, on m'arrache la moitié d'une chanson. Et en fait, après plusieurs écoutes, je me rends compte que ce type de chanson, c'est hyper travaillé et c'est super cool. Et donc... voilà, une chanson qui m'a beaucoup plu, que je vous passe tout de suite, de Leila Ebrahimi. We've always had a way with time. It's never been on our side, but I stood in the middle of the night in the rain. I don't like being left behind. I don't like being left behind. I don't like being left behind. How could you leave me behind? I'm in love with a non-existent version of us. I don't like being left behind. I need. Stop this spiral. I need a piece of the moon right now. As I kick off the ground and the voices all fade out, it's me in the middle of the night in the rain. C'était trop bien. Oui, c'était super cool, franchement. Merci Delia pour la découverte. Avec plaisir. Eh ben, ça vous dit qu'on commence un peu à parler de la question centrale, l'amitié. Exactement. Notre thème du jour. Totalement. Bah, vous avez pensé quoi un peu de vos interviews déjà? Moi, j'ai bien aimé cette phrase de Louisa qui dit que l'amitié, elle pourrait pas vivre sans. Parce que je suis assez, je suis un peu dans la même optique qu'elle, parce que je sais que des fois, quand ça va pas trop, je sais pas trop pourquoi ça va pas. Et après, quand je vois quelqu'un, je lui parle pas forcément du fait que bah, je me sens pas hyper bien, mais après l'avoir vu, mais ça va mille fois mieux en fait, j'avais juste besoin de voir quelqu'un, c'est tout. Oui, c'est vrai. Et j'aime trop aussi l'idée de les amis, c'est la famille qu'on s'est construit. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et oui. Je trouve ça tellement bien d'avoir ce pouvoir en fait de s'entourer, de choisir les gens qui nous entourent. Et voilà, c'est trop bien. Ouais, je trouve ça carrément, carrément intéressant aussi. Puis bon, pour parler, pour commencer un peu plus des études supérieures en particulier, c'est vrai que cette année, c'est un peu le renouveau. On est lâché dans un nouvel endroit et c'est carrément l'occasion de se reconstruire un groupe d'amis et de re-choisir sa famille. Puis ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est un nouveau départ. Donc en ça, je trouve que c'est super, une super opportunité. Oui, bah, je suis grave d'accord avec toi, mais après, je sais pas si vous aussi, mais je trouve qu'en études sup, c'est beaucoup plus compliqué de c'est se faire des amis dur que avant. C'est un enfer. Oui, oui. Moi, la plupart de mes amis, c'est mes amis du lycée. J'imagine. Et pareil, hein. Cette année, c'était compliqué. Enfin, je me suis fait des potes, mais à la fac. Mais... Moi, c'était tardif. Voilà. Hein. C'est très récent, moi, les amitiés. Enfin, les débuts d'amitié, parce que... Oui, voilà. Sûr, On a encore que des vies après. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, ça prend du temps. Ouais, c'est dur vrai. D'accepter que ça prend du temps aussi, ouais, je trouve. C'est ça, ouais. On a envie d'être proche tout de suite, mais il ne faut pas non plus brusquer les gens. Et voilà. Mmh. En fait, c'est dur ouais, d'accepter. Je trouve que ça prend du temps, alors qu'en vrai, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est totalement ça. Puis Antoine le disait quand je l'ai interviewé, que surtout, nous, on a un peu l'expérience d'être en prépa, c'est-à-dire d'être tout le temps avec un groupe assez petit de personnes. En tout cas, on est une cinquantaine de personnes. Quand à la fac, les amphis sont trois fois ou quatre fois plus. Et du coup, c'est vrai que l'amitié, ça devient central et c'est que ça. Et quand on a du boulot et puis qu'on est loin de sa famille, peu importe le type d'études qu'on fait, c'est vrai que l'amitié, ça prend une place qui est décuplée parce que c'est un peu notre seul lien social, notre seul ancrage à de la positivité et à quelque chose d'autre que nos propres pensées, nos propres états d'âme. Pas forcément au top quand on doit faire du boulot, donc... Oui, je suis bien d'accord avec toi. Je sais que là, je suis à Lyon et que ça me saoulerait de travailler à l'abbaye toute seule. C'est vraiment voir mes potes, genre les soirées, tout, c'est une motivation, vraiment. Ah ouais, c'est trop drôle parce que moi, je suis quasiment tout le temps à l'abbaye toute seule, genre. Ah, courage. Mais ouais, moi, je trouve qu'on a vraiment besoin des autres. Genre, moi, je sais que, ouais, perso, toute seule, c'est vraiment moins fun la vie, hein. Ouais. Vraiment. Et ouais, on a trop besoin des autres. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais qu'en particulier, quand on demandait comment on peut savoir qu'une amitié, c'est durable ou que c'est pour la vie, je pense que c'est hyper... c'est une question qui, je pense, qui est presque insoluble et qui m'interroge beaucoup, moi, de me dire qu'est-ce qui fait, en fait, qu'une amitié va durer ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une amitié se fonde dès le départ, tout simplement? C'est hyper... C'est hyper dur de dire pourquoi l'amitié est durable et pourquoi est-ce qu'à tous les âges, on a besoin d'amis. Mais ouais, et après, moi, je pense que pour qu'une amitié, elle dure, c'est qu'il faut arriver à entretenir le lien, mais sans avoir besoin de le sur... le forcer, en fait. Si on commence à trop le forcer, ça veut dire... je sais pas comment expliquer, mais je pense que vraiment, il faut pas forcer, en fait, avec l'amitié. Il faut juste être spontané. Je pense que c'est la spontanéité, en fait, qui est importante. Ouais. Et que si on commence à avoir besoin de forcer le lien, bah, ça perd un peu quelque chose, je pense. Mais après, je pense qu'une fois que t'as ta vraie amitié, bah, si c'est une vraie amitié, pour moi, c'est que c'est pas comme les potes que tu dois voir tous les jours. C'est-à-dire que même si tu vois pas tes amis, pour moi, ça change rien quand tu vas les revoir. Oui, et là, tu vois que c'est des vrais amis, d'accord. Parce que ça change rien quand tu les revois. Tu sais que tu peux être dans une ville, dans un pays, et l'autre à l'autre bout du monde. Et si vous vous revoyez, ce sera pareil. Et je trouve que c'est là où tu vois les vraies amitiés. Oui, c'est clair. Moi, j'ai des copines, je les vois une fois l'an. Et Moi, j'ai une copine en particulier. Je la vois qu'une fois par an et en fait, à chaque fois qu'on se voit, bah, c'est comme avant. Quoi. Et du coup, moi, j'adore. Même si on s'écrit pas forcément. Je sais que ça, c'est vraiment un problème que j'ai. C'est que j'arrive pas à envoyer des messages aux gens ni à appeler. Du coup, j'ai trop du mal à garder des liens avec les gens alors qu'en vrai, j'ai grave envie, genre. Mais c'est vrai. C'est difficile de garder un lien avec des gens dont on n'est pas forcément proche au départ. Et en ça. En cela, plutôt, les téléphones, je trouve que c'est grave une opportunité, un avantage, en fait, pour rester en contact. Et en même temps, c'est pas si facile que ça du tout de s'envoyer des messages. Puis le lien est pas forcément pareil quand c'est juste avec un ou une pote, vite fait, de s'écrire de temps en temps. C'est pas ça qui va réussir à garder une vraie alchimie, on va dire, amicale entre les personnes. Et comme vous l'avez dit, bah, inversement, il y a certains amis, on peut très bien ne pas se voir ni se parler pendant 2 mois et que tout soit pareil quand on se revoit, voire même plus de temps. Mais... Moi, j'ai un peu l'impression que par message, j'arrive que à, comment dire, qu'à changer des banalités. Enfin, j'ai l'impression que si j'écris par message, on va que se dire des banalités, alors que non. Oui, tout à fait. Du coup, moi, j'aimerais bien écrire des lettres aux gens parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un espace où, genre, je peux... vraiment dire ce que j'ai envie sur le moment et ça va être un peu plus profond. Mais je sais pas, c'est un peu... Je sais que ma mère, elle a une copine qui habite en Allemagne, elles se connaissent depuis qu'elles ont fini leurs études et elles s'envoient des lettres en fait. Et je trouve ça trop bien, faut s'envoyer des lettres. Ouais, c'est vrai que c'est génial, c'est une j'aimerais super idée. Bien. Ouais, bah moi aussi j'ai une amie de colo, Sarah. C'est pas moi. Ouais, c'est une autre. Et justement, bah ouais, on s'envoie, je pense, une lettre tous les 3 mois. En fait, dès qu'on va dans une autre ville ou n'importe où, on s'envoie une carte postale automatiquement. Et on a fait une boîte et tout. Et du coup, c'est cool parce qu'on se parle en fait que par lettre. C'est-à-dire que je ne l'ai pas revue depuis 3 ans. Mais parle que par lettre, donc en vrai, je trouve ça trop bien. C'est la seule personne avec qui je fais ça, mais j'aime trop, voilà. C'est grave, une attention hein. Trop bien, genre, c'est sur, tu comptes si tu t'entretiens le lien, mais d'une manière tellement cool, genre. Ouais, bah ça fait tellement plaisir c'est quand tu reçois la carte de quelqu'un. Mais ça, c'est ma seule prime. Motivation à aller dans ma boîte aux lettres. Hormis pour la carte TCL, ça, on est motivé pour la carte TCL. Mais en tout cas, ouais, les amitiés, c'est essentiel et je pense que ça a une importance chez beaucoup de jeunes. Oui, vraiment. Et même pas que chez les jeunes, parce que à tous les âges, en fait. Ouais, totalement. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que quand on est jeune, c'est le moment où on va se créer les amitiés pour la vie. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est vrai parce que je vois ma mère et mes parents, en fait, ils sont tous les deux des amis qu'ils connaissent depuis super, super, super longtemps. Et après, d'un autre côté, je vois aussi qu'il y a des amis qu'ils ont rencontrés quand ils avaient 30 ans. Du coup, j'ai l'impression que leur groupe d'amis, c'est vraiment un mélange entre les vieux de la vieille et du coup, les amis, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Chez nos parents, c'est... Oui, donc vraiment pas de pression parce que je pense que les amis, on va s'en faire, s'en refaire toute notre vie, honnêtement. Dès qu'on changera de cadre un petit peu. L'amitié, ça m'a l'air d'être quelque chose de super dur à cerner, mais en même temps, il faut pas... Je pense que, il faut pas croire que c'est maintenant ou jamais. Même si c'est comme ça que ça nous apparaît, comme ça que ça m'apparaît, je sais pas vous, mais c'est vrai que la jeunesse et la période des études, c'est vraiment ça a l'image dorée de la période où on découvre le monde et où on se forge soi-même et ses liens, ses amitiés. Mais pas forcément, je pense que l'amitié, c'est vraiment quelque chose d'intertemporel, on va dire, et que... Bah, certes, des enfants de 8 ans n'auront pas forcément un lien aussi profond et durable que des personnes qui se rencontrent à 18. Mais je pense que l'amitié, ce n'est pas tellement une question d'âge. C'est vraiment une forme de lien humain qu'il faut juste faire le pas. Et je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge. Et je pense que les plus belles amitiés, ça peut carrément se créer à 50, 60, 70 ans. C'est trop mignon de voir parfois dans des documentaires ou des trucs comme ça que j'ai vu passer des personnes âgées qui font des amitiés hyper profondes et alors que on pourrait se dire mais c'est trop tard et en fait non pas du tout ça m'a l'air d'être quelque chose vraiment qui doit s'échapper de la temporalité classique. Et ouais, moi, si je devais donner un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, et notamment si vous êtes à la fac ou je ne sais pas où dans vos études sup, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller voir les gens dans l'amphi, à leur demander n'importe quoi, à s'asseoir à côté d'eux, à vous moquer du cours où vous comprenez rien, ou alors vous comprenez parfaitement mais vous voulez juste vous faire des potes, et c'est ok. Et vraiment, allez-y, parce que bah, on est tous dans la même situation. Vraiment. Bah, je te le dis ça. C'est pour moi, en fait, le conseil. Bah, c'est aussi pour moi-même. Il ne faut pas croire. C'est vraiment pour moi aussi. Oui, du coup, voilà. Je pense que c'est le conseil ultime de faire le pas et d'y aller. T'as carrément raison. On ne sera jamais accueilli à coups de pierre, promis. Eh bah, écoutez, les filles, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Est-ce que si jamais vous avez des trucs à rajouter, dites-moi. Moi, je vous fais des gros bisous. Moi aussi. Et je vous souhaite bon courage jusqu'au mois prochain. Ouais. Jusqu'à Noël. Parce que novembre est rude, on le sait tous. Oui. Maria Carré arrive. Et bah sur ce, on va finir cette émission sur l'amitié. Moi, j'ai trouvé très intéressant de travailler sur ce sujet et d'écouter plein d'avis. J'espère que ça vous aura plu aussi, vous qui nous écoutez. Et voilà, on achève cette 13e émission de Cours, le vieux monde est derrière toi. Et ça me fait très plaisir. On fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous. À la prochaine. On écoute pour se dire au revoir, Somber. I wish I knew how to quit you.